Après Hamlet et Roméo et Juliette, enregistré en 2014, voici en 35 minutes, pour marquer le 400e anniversaire de la mort du dramaturge anglais Shakespeare, de larges extraits d'Othello, sous-titré « Le mort de Venise ». Tragédie créée en 1604 dans la traduction d'un spécialiste des traductions de Shakespeare, François-Marie Hugo, fils de l'illustre écrivain. Choix des extraits, résumé et enregistrement de Jean-Paul Alexis en février 2016. Étant donné la rapidité de ma présentation et la multiplicité des personnages ramenés à une seule voix, je n'ai pas hésité à répéter l'identité et les liens entre les différents personnages. Répétitions qui paraîtront inutiles à certains d'entre vous. Veuillez m'en excuser.